Chapitre 2. Je connaissais bien ce monsieur Barba. Vernamin n'est qu'à une demi-heure de Pras-dessus, et c'était le plus riche propriétaire de la commune. Quelque temps auparavant, il s'était remarié. La chose avait fait grand bruit dans le pays. Je me souvenais d'avoir entendu ma mère discuter longuement là-dessus avec Madame Serré de la boutique. D'après ce que j'avais compris, il n'y avait pas encore une année que sa première femme était morte. On le blâmait beaucoup de n'avoir pas attendu plus longtemps. « Mais que voulez-vous » disait Madame Serré. « Il paraît que c'était pressant. » Je ne m'étais pas très bien rendu compte de ce qu'elle entendait par là. Il m'en était resté seulement l'idée vague que M. Barba avait commis une vilaine action, et cela diminua un peu le respect que j'aurais dû avoir pour lui. Pas au point toutefois que j'eusse oublié ses 20 vaches, ses 70 et quelques poses, ses 4 bœufs, ses 3 chevaux. On n'ignore pas en effet que pour nos autres paysans, ces choses-là passent avant tout. J'étais donc assez intimidé quand le lendemain matin, mon oncle m'amena à la Maladière. C'était une grande maison carrée, tout entourée de vergers et de champs. Elle était séparée du lac par un marais. Une cour s'étendait entre la maison d'habitation et la ferme. Deux grands tilleuls ombrageaient cette cour. Ils étaient entourés chacun d'un banc de pierre qui était autour du tronc comme une bague autour d'un doigt. Il se trouva que M. Barba était déjà sorti quand nous arrivâmes, quoiqu'il fût de bonne heure encore. Et mon oncle me laissa en me disant qu'il repasserait le lendemain. On me mena dans ma chambre. Je posai mon paquet sur le lit et je me préparais à changer de pantalon parce que j'étais venu avec mes habits du dimanche. Quand le maître valet, c'était un nommé Recordon, m'appela. Il ne perdait pas son temps, le maître valet. Je gardais mon pantalon neuf tellement j'avais peur d'être en retard et je descendis en courant le rejoindre. Il tenait à la main un râteau, il me le tendit et me montrant un homme à grand chapeau de jonc qui sortait de la grange. « Tu vas aller avec lui. Il te montrera ce qu'il y a à faire. Seulement une autre fois, je te conseille de te dépêcher un peu plus. » Je raconte les choses comme elles viennent, sans trop choisir, parce que certaines je me les rappelle et les autres plus du tout. L'homme avec qui on m'envoyait au champ était un Savoyard, c'est tout ce que je sais de lui. Il ne me dit pas un mot durant tout le chemin. On alla jusqu'à un pré nommé les Dévins, qui était fauché de la veille. Il s'agissait de retourner l'herbe, parce que le côté tourné vers en haut était sec et le dessous encore mouillé. Mais à peine est-on arrivé que mon homme, au lieu de se mettre à l'ouvrage, s'étant à l'ombre d'un buisson et s'étant placé de manière à pouvoir surveiller le chemin par où nous étions venus, on a une heure pour tout faire. Arrange-toi. Si tu n'as pas fini à temps, je te fous des coups. Qu'est-ce que j'aurais pu répondre ? C'était un grand gaillard d'au moins 6 pieds de haut, avec de la barbe jusque dans les yeux. Je faisais mon apprentissage. Les commencements sont durs. Je me mis donc à retourner le pré. L'autre me regardait faire. Au bout d'une heure, j'avais fini, mais j'étais tout en sueur. Le Savoyard, alors, tira tranquillement sa montre de sa poche. Je pensais bien que ce n'était pas la peine que je m'en mêle. Seulement, tiens ta langue, tu sais, sans quoi. Et s'étant levé, je te fous des coups. Je ne me souviens plus de ce qui se passa pendant le reste de la journée. Il me faut faire un saut jusqu'au soir. Mais là se plaça une scène dont j'ai d'autant mieux gardé la mémoire qu'elle vient éclairer les propos que Madame Serré avait tenus devant moi. Nous étions en train de manger la soupe à la cuisine, et assis autour de la table, outre Recordon, sa femme et le Savoyard, il y avait deux domestiques, une servante et moi, c'est-à-dire que nous étions 7, quand brusquement la porte s'ouvre. On voit entrer une grosse dame, rouge de teint, l'air important, richement mise, avec une chaîne de montre en or qui faisait 2 fois le tour de son cou. Je n'eus pas de peine à deviner qui elle était. Aussitôt qu'elle avait paru, Madame Recordon avait couru à sa rencontre. Nous nous étions remis à manger. Il n'y avait que le vieux Juste qui n'eut pas repris sa cuillère. Il était assis en face de moi. Je l'avais tout de suite remarqué. C'est qu'il ne ressemblait à personne. Et je savais que c'était quelqu'un avec qui il fallait compter parce qu'il travaillait depuis plus de 40 ans à la Maladière. Il y était déjà du temps de M. Barba, le père, et notre M. Barba, il l'avait connu tout gamin. Grand, sec, entièrement rasé, avec un long nez mince, des lèvres plus minces encore, des petits yeux gris enfoncés, depuis que Madame Léa était entrée, j'ai su plus tard que c'était là le nom de la nouvelle dame Barba. Il ne l'avait pas quittée du regard. Elle était en train de parler à Madame Recordon. Au premier moment, elle ne prit pas garde à lui, mais, Une fois qu'elle eut fini de causer, l'idée lui vint sans doute de nous faire une politesse. Elle s'approche de la table en nous disant « Bon appétit ». Nous lui répondons tous « Merci » comme il convient. Seul le vieux Juste n'avait rien dit. Lentement, il s'était levé. Il ne se trouva tout à fait debout que quand elle fut près de lui. Il la regardait fixement. Nous nous demandions « Qu'est-ce qu'il a ?» La réponse ne tarda guère, car Madame Léa, maintenant, elle aussi le regardait, mais il lui avait tourné le dos. Il se dirigeait vers la porte, et voilà, la porte s'ouvre, se referme, le vieux Juste était sorti. Il y eut un grand silence, 2 ou 3 minutes s'écoulent, puis on entend la voix de Madame Léa qui disait « Qu'est-ce que ça signifie, je ne veux pas de ça !» Elle avait une voix criarde, un peu rauque, la voix de quelqu'un à qui on serre le cou. Elle reprend « Il faudrait pourtant que je sache si je suis chez moi !» Madame Recordon se mit à dire « Je vous fais toutes mes excuses, mais vous comprenez, il est vieux. Il a ses manies depuis 40 ans. » Madame Léa l'interrompit « Ça m'est bien égal. » Puis elle ajouta « D'ailleurs, nous verrons. » Et elle sortit à son tour. Il se passa encore un grand moment avant que nous eussions remis en ordre nos idées. Ce fut Recordon qui parla le premier. Il était rouge à éclater. Il tapa du poing sur la table. « Tonnerre, » dit-il, « je voudrais bien savoir de quel droit il se mêle de faire la morale aux gens, ce vieux fou-là. Juste de quoi me faire perdre ma place. »« Voyons, Louis, » disait sa femme, « ça s'arrangera bien. On fera comprendre à madame. » Mais il l'avait interrompu. « On lui fera comprendre. Et si elle ne veut pas comprendre? Est-ce qu'il a été poli, oui ou non, ce vieux fou? Est-ce que c'est comme ça qu'on se conduit avec ses maîtres, oui ou non? Et c'est moi qui suis responsable. » Toute une grande discussion s'ensuivit entre Recordon et sa femme. Finalement, ils décidèrent qu'elle irait parler à Madame Léa pour lui expliquer, comme elle disait, et que Recordon, de son côté, parlerait à Monsieur David. On avait apporté un plat de lard et de pommes de terre bouillies. L'appétit avait repris le dessus. Recordon lui-même finit par se taire. Bientôt, on se lève de table. Je monte mon petit escalier de bois. Ce n'était pas une grande chambre que la mienne. 3 pas en largeur, autant en longueur, et en levant le bras, je touchais le plafond. Un lit de sapin, une table de sapin, avec un vieux saladier jaune qui servait de cuvette, une chaise, c'était tout. Seulement, quand on est fatigué, on ne s'attarde guère au mobilier. Et puis, je n'avais pas été gâté. Le temps de me déshabiller, et je m'étends sur ma paillasse. Mais au moment où j'allais m'endormir, j'entends du bruit dans la chambre à côté. J'écoute, c'était un bruit comme quand on lit dans un livre. Quelqu'un qui aurait de la peine à lire et s'arrêterait sur les mots trop longs, s'y reprenant 2 ou 3 fois avant d'en venir à bout. Puis de nouveau la voix qui repartait, mais pour s'arrêter de nouveau. Je reconnais la voix du vieux Juste. Comme tout était silencieux, les mots eux-mêmes arrivaient à présent pas tellement nets ni si nombreux que j'en pusse faire des phrases, assez pourtant pour que je reconnusse que c'était des mots de la Bible. On nous en avait lu bien souvent des passages au catéchisme. La curiosité me prend, je me dis « Pourquoi est-ce qu'il lit ainsi à haute voix? Il te faudrait tâcher de savoir. » Tout doucement, je me lève. Le mur qui séparait les 2 chambres était une simple cloison de planches qu'on avait passée au blanc de chaux. Il ne devait pas être difficile d'y découvrir une fissure. En effet, j'en trouve une et j'aperçois, droit en face de moi, le vieux Juste qui était assis à une petite table pareille à la mienne, un livre ouvert devant lui. Il me tournait le dos, mais je voyais distinctement le livre grâce à une vieille lanterne à vitres de corne posée tout à côté. C'était bien une Bible. Une vieille grosse Bible à fermoir et à reliure de cuir brun, de celles qui ont des images. Il se tenait penché dessus jusqu'à toucher de son grand nez la page, tandis qu'il suivait les lignes du doigt, et, péniblement, les mots se suivaient. « Malédiction, sur toi, Israël, parce que, femme, adultère. » Il parlait toujours assez bas, et je n'arrivais toujours pas à tout comprendre. Seulement, sur certains mots, qui étaient les mots importants, il élevait un peu la voix, de sorte qu'il était possible, par leur rapprochement, de leur donner un sens. C'est ainsi que je compris que ce qu'il lisait était en relation avec la scène de tout à l'heure, et qu'il cherchait dans sa lecture les encouragements dont il avait besoin. Il s'y durcissait dans sa décision. il s'y confrontait aux exemples, et les exemples devaient avoir agi, car on ne voyait en lui que force et assurance. Il ne bougeait aucunement. Son dos faisait comme un bloc noir, avec seulement, en haut de la tête, un petit peu de blanc, qui étaient ses cheveux éclairés par la lanterne, et elle se déplaçait par moments faiblement sa tête, mais pas son dos, ni son poing qu'il tenait posé sur le bord de la table. Il y avait comme des taches d'encre dessus, un poing de vieux, tout desséché, tout en tendons, mais plein de force encore. Par moments il se serrait, et le vieux juste à présent s'était redressé. Il s'était tu, il regardait fixement devant lui, probablement qu'il était arrivé au bout de son chapitre, et il réfléchissait sur ce qu'il venait de lire. Puis son poing s'abattit, la table sonna sous le choc. Alors je vois le vieux juste qui lentement se met debout. Il avait ainsi une grande lenteur, mais une grande autorité dans tous ses gestes. Et, comme il se tenait très droit, il touchait le plafond de la tête. J'avais bien un peu honte de l'espionner comme j'étais en train de faire. Mais ce n'était plus seulement la curiosité qui m'y poussait. Aussi ne bougeais-je point de ma place. Et je continuais à suivre de l'œil le vieux juste pendant qu'il s'approchait de son lit. Je croyais qu'il allait se coucher. Il n'en fut rien. Il se mit à genoux, et la tête dans ses mains, le front contre la paillasse, il commença de prier à haute voix. Il disait « Seigneur, je te remercie de m'avoir secouru, mais ton œil est juste. Tu as pesé les choses, Seigneur. Tu m'as tendu la main qu'il faut que j'aie, sans quoi je serais faible et j'irai de travers. » Il disait, « Fais seulement que la honte s'éloigne de cette maison, afin qu'elle ne soit pas supprimée et que ta justice ne s'appesantisse pas sur elle. C'est aussi cette demande que je t'adresse, Seigneur. » Il disait des choses de ce genre. Ses mains, cependant, s'étaient jointes. Soudain, il étendit les bras et sa tête se renversait. Il fut interrompu parce qu'on montait l'escalier. Il n'eut que le temps de se relever. On heurta à la porte, M. David entra. Comme j'ai dit, je le connaissais de vue, pour l'avoir souvent rencontré quand il traversait le village, au grand trot de sa jument rouge, mais jamais je n'avais eu l'occasion de le considérer d'aussi près. C'était un gros homme, un peu court, déjà épaissi, mais robuste encore, avec une petite impériale grise et le haut du front découvert. On ne remarquait pas tout de suite sa pâleur, à cause de son teint hâlé, mais ses mains tremblaient. Il s'approcha du vieux juste. Lui n'avait pas reculé d'un pas. Tranquille, quoique respectueux, il gardait un air d'assurance qui faisait contraste avec les dehors agités de M. David. Il le dépassait de toute la tête. Maintenant, ils se trouvaient en face l'un de l'autre, et M. David commença, et sa voix, elle aussi, tremblait un peu. « Qu'est-ce qui se passe, juste ?» L'autre voulut répondre. M. David lui coupa la parole. « Laissez-moi d'abord m'expliquer. Vous savez que je tiens à vous. » Il y a trop longtemps que vous êtes dans la maison pour que je me conduise avec vous comme avec le premier venu. Je ne puis permettre que vous vous croyiez des droits que vous n'avez pas. Et quoique ça me soit pénible, il faut bien que je vous le dise. Vous avez oublié qu'il n'y avait ici qu'un maître, et que ce maître, c'était moi. Juste n'avait toujours pas fait un mouvement. Seulement ses yeux, lentement, s'étaient posés sur ceux de M. David. Et comme il avait fait avec Mme Léa tout à l'heure, il ne le quittait plus du regard. Ce fut M. David qui détourna le sien. Il continua, pourtant, « À n'importe qui d'autre, j'aurais montré la porte. Avec vous, c'est différent. J'ai trop le souvenir de ce que je vous dois. Seulement, il faudra juste que, de votre côté, vous soyez raisonnable. Vous avez eu des torts. Il vous faudra les réparer. Vous voyez, j'arrange les choses. Vous irez trouver... » Il hésita sur le mot. « Vous irez trouver... ma femme. Et vous lui ferez vos excuses. Elle veut bien ne pas exiger davantage... mais c'est à la condition que vous ne recommencerez plus. » Et, comme juste gardait le silence, « Allons, c'est entendu. Demain matin, vous passerez à la maison. » Le vieux juste prit son temps, puis il dit, « Je n'irai pas. » Il avait dit cela avec tristesse, mais avec calme et fermeté. Il avait une grande figure lisse que je vois toujours, et je n'ai pas oublié ses yeux non plus, parce qu'il continuait de les tenir appuyés fortement sur son maître. Mais c'était comme malgré lui, et comme au nom de quelque chose d'au-dessus de lui, d'au-dessus de tout. « Comment ? » cria M. David. « Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?»« Je n'irai pas, parce que je ne peux pas. Voyez-vous, M. David, vous n'êtes plus dans le droit chemin. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Moi, n'est-ce pas ? Je ne suis rien. C'est un autre qui parle par ma bouche. Et moi, je n'ai plus le droit de me taire, parce qu'il m'a ordonné de parler. » Durement, M. David l'avait interrompu. « Taisez-vous. » Et comme Juste allait poursuivre, « Taisez-vous, taisez-vous, vous entendez, je vous dis de vous taire !» Juste s'était tu, mais il n'avait point changé d'attitude, d'où peut-être la colère de Monsieur David. Toujours est-il qu'il ne se contenait plus. « Malappris » criait-il. « Qui vous a permis ? Qui vous a permis ?» Il n'arriva pas au bout de sa phrase. « Est-ce votre dernier mot ?» Juste ne répondit pas. « Eh bien, demain, je vous réglerai votre compte. » La porte claqua en se refermant. Toute cette scène avait fait grand bruit. Bien sûr qu'on avait bien dû l'entendre dans toute la maison, mais les pas s'éloignaient déjà. De tout ce que je venais de voir et d'entendre, ce fut comme si rien ne s'était passé. Je continuai de regarder le vieux Juste, et à regarder le vieux Juste, cette impression se renforçait. Il ne semblait aucunement troublé, pas un de ses traits ne bougeait. Un instant encore, il resta immobile, puis il plia de nouveau les genoux, il reprit sa place au pied de son lit. Il pria de nouveau, il se releva, et tranquillement, comme à l'ordinaire, il commença de se déshabiller. Pour moi, j'avais regagné ma paillasse, je n'avais plus sommeil, un drôle de retour s'était fait en moi. Je revoyais maman, étendue sur le lit, et la façon dont elle était couchée, une façon que je ne lui connaissais pas, parce que les vivants ne dorment pas les mains croisées. Et ils ne sont pas si tranquilles quand ils dorment, les vivants. Je me disais que je n'avais jamais eu à ce point besoin d'elle, parmi toutes les difficultés que j'entrevoyais maintenant dans la vie, et voilà, je ne l'avais plus. Je n'avais plus personne sur la terre. Vainement, pour me consoler, je me répondais qu'elle était au ciel. Je n'arrivais pas à me le représenter, le ciel. La seule chose que je distinguasse bien, c'était le cimetière où on l'avait porté et le trou où on l'avait descendu. Je revoyais comment les hommes qui tenaient les cordes s'étaient penchés, les jambes écartées, et en glissant dans leurs mains dures, les cordes avaient fait un bruit. Il avait plu toute la nuit, la fosse devait être pleine d'eau. Ils avaient couché maman dans cette eau. Il me semblait que j'avais froid pour elle, et je me mis à frissonner. Mais déjà les mottes tombaient. Comment est-ce qu'on pourrait encore voir et entendre quand on est étendu si profond sous la terre? Je compris que j'étais seul. Personne ne pensait à moi. Je me tournais et me retournais sur ma paillasse qui craquait, et c'était le seul bruit qui vint maintenant. Tout s'était tu dans la chambre à côté, et dehors aussi par les champs sous le grand ciel cousu d'étoiles.